Laisse-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui m'a fait tout. Tout le temps t'es dans ma tête, tu vis dans mes pensées sans payer de loyer. Je veux t'avoir avec moi pour l'éternité, seulement si tu le veux. Je suis pas devant mais c'est toi ma destinée, je le vois dans tes yeux. Continent.